casse la baraque, mes potes me remarquent. J'suis baraque, nous savent clap, photo qui claque. J'suis dans la soirée, les gosses sont parés, j'suis taré. Dans leur jeep, les lily trips, ça les fait marrer. Au fond de la salle, je tombe une bombe, mes matchs, les pattes. Mes yeux de black se plaquent sur elle comme sur un Kodak. Ok, dac, d'attaque, garo maniaque, qui taquine, ta coquine et qui me kiffe quand je clique au mic. Premier quack, son mec le Mac débarque, une face de Big Mac et dans son Mic Mac me traite de macaque. Hein? Moi c'est Oxmo, elle est maman, elle est antipathique, typique du type qui pique pour un peu de fric. Je me fâche donc, ne lâche aucune insulte. Je suis quand même pas un culte, et tant pis pour ceux qui en résultent. Tios mon saut sort sur ma glisse le braque. Le Mac track, flip sec, il me sort à moi du tac au tac. Me touche pas, je viens de la cité, fait à Ousnok. Moi du 19 compose le 15. Ah, mais sacré samedi soir. Moi et mes potes, sacré samedi chaque soir. Tu savais pas que moi et ta c'est sacré samedi soir, les fêtes à Aux, c'est chaque sacré samedi soir. Mais sacré samedi soir, moi et mes potes, c'est sacré samedi chaque soir. Tu savais pas que moi et ta gosse, c'est sacré samedi soir, les fêtes à Aux, c'est chaque sacré samedi soir. Deuxième quack, c'était la boîte du Mac. Les hommes du Mac se moquent du Mac, disent de Tios, mon sauce. Mes potes et moi, on est quand même beaucoup, mais pas trop. Plus de métro, à trois, va falloir être synchro. On se sépare et se perd, je tombe sur une bande de loupards, espérant s'accaparer de mes parts, et je suis parti. L'apathie de ces mal bâtis, qui me veulent aplatir. Je commence à filer comme une Maserati. Je veux pas passer demain matin dans la gazette, comme une victime cassée comme une noisette à la massette. Je préfère être un lâche vivant, moins grave qu'un brave mourant. Sans honte, j'ai fait mon sang. Ah mais sacré samedi soir, moi et mes potes sacré samedi chaque soir. Tu savais pas que moi et ta gosse c'est sacré samedi soir. Les fêtes à Aux, c'est chaque sacré samedi soir. Mais sacré samedi soir, moi et mes potes sacré samedi chaque soir. Tu savais pas que moi et ta gosse c'est sacré samedi soir. Les fêtes à Aux, c'est chaque sacré samedi soir. 80 jours plus tard, j'ai semé les loupards aux Carpates. On est samedi 3h du match, crevé à 4 pattes. Quand j'entends Emma note d'un toti, un son façon simple et fond qui kiffe en kiffe et tant kiffe les ladies. À la porte, mon cousin, je tire sa tignasse grâce. Le bot avec ses potes et les filles. Arrivé dans la partie, je livre un whisky. Je suis pas ivre dans la CIA des ladies. Au fond de la salle, une belle me fixe, ses fesses excellent. En bondi que sa fissa, je me lisse. Je me la joue qu'un riche glisse. Peace, baby, baby, babelou, I love you, alléluia, mon fonce mouilla. Donc on se glisse sans vitesse. Je la colle, elle me caresse. Cache le poste de la soupesse. Mince, je sens un joujou dur, pas le mien. Sans rire, je tombe par terre. Quand sa robe, je tire. Elles sont belles, sexy, si, mais c'est des travestis. J'ai mon portable, je suis discret. Allô, taxi. Ils ont saisi que j'ai saisi. On choisit de me saisir pour le plaisir. Alors commence le fouillis dans le rififi. Les fonds de teint se mélangent au whisky. Déclenche un incendie chimique au toxique de mèche pony. Fumé marron, façon mousse au chocolat. Je m'échappe car tous veulent, je saigne. Y'avait mon cousin, ses potes des dom-tom. Pompi et Loubar, le travesti, le Mac et ses hommes. Ceux qui me jalousent pour m'écouler. Marie, José, Perret, Clifford, Christy et Ben Johnson. Commence alors une course digne de la ruée vers l'or. Sauf que là, l'or, c'était moi, que vais-je faire encore, hein? Sur la vie de mon verre de whisky, j'ai pas d'idée. Quand j'entends à vos marques, bref, partez.